plus par fini choqué. Pépère, des chaudes noires où tu portes des pampers. C'est beatbox, j'suis pas du genre à carburer au poppers. J'suis pas armé, j'ai juste un petit cutter dans mon poppers. On bombarde sur l'autoroute et tu une bâtard. Mais ne crois pas qu'on se fait des millions, on n'écoute pas les bavards. C'est bizarre, les victimes de bavures sont vent de pommade. Viens pas me passer la pommade, trop de pommade en promenade. J'suis décontracté, j'roule en dragster Clio 1. PD, tu me verras pas en boîte, on sait les muscles contractés. Yeah, tu me verras même pas, vu que c'est pas mon genre, mec. Mon truc, c'est la merde comme leur mec, j'veux leur mec désormais, déterminé à leur mec. J'ai le bâton et la laisse, donc dis leur qui est leur mec. Plutôt à peur, les types l'ont compris, donc ils font la pointe. Bon, les mêmes zombies sont coadés, sont même prêts à boiter. Les temps changent, qu'on se pense, on s'amuse à faire des cabanes. Maintenant c'est les portes d'y entrer, dont on choisit la cabane. On m'appelle souvent pour me dire, box viens, y'a une embrouille. Fils de pute, un jour, appelle-moi pour me vider les bouches. Je comprenais pas, pour moi tout le monde était dans le délire. Dans ma tête c'est mes délines, mais dans leur tête c'est le montagne. J'veux le ralice, alors si t'as des têtes, faut que tu ralasses. Ta race où t'auras droit à mon coup de chat. 20 balles de spi et toi ton flow roule en Vespa. J'déboule sur l'instru et j'nique tout sans faire exprès. Hallucinant 80 spi graveur en mètre carré. La plupart ont rien dans les poches mais sont sapés en pierre cardin. Ça carbure au cardio, se retourne les trois quarts du temps. L'ambiance est du temps, ouais, sans shit notre première denrée. Juste une preuve d'injustice, moi j'vais être jugé comme Henri. Qu'on dévisage pas, j'vais être jugé par un visage pas. Me traiter en giaf, tu m'as pété, ça y est, t'es tout yes. La haine, la dernière fois que j'me fais sauter par un chemin tout gueule. Par un du crime, mon jumeau. Allahu Akbar, y'a pour Dieu que je me mets à genoux. Avance avec les compagnons, fais ce qu'il est genoux. Bon, ok, j'avoue, allons jumeau au rapport, célibataire. Si les keufs me courent, à chaque laisse pas la zéra à terre. J'suis le vin du cash, on est cara, batara l'aimé. Pèse loin de ma décoincée, dans mes barbelés. Le rap c'est politique de malade, Dominique SK. Spike de la GSK, dealer c'est pas la West Side. Rap et contrive, suis ma bite, trop afflé, trop afflé. Baisse les chevilles, si t'allais, colonel c'est la bite. Trop sismique, sans indique, baisse les chevilles, sans clinique. Fume ta vie, si cette pute nous monte sur ton clean. Certains MC persistent, cette gangsta, moi j'suis un hustler. Pas double disque dans, c'est que c'est la SK. J'mens en disant la vérité, mon rap est mérité. Avance avec sérénité, mets des coups de pompe de sécurité. Oh fuck, Scarlatte des bâtiments, tu fais pas de sentiments. Pas de centimes dans les poches, j'ai vite comme au quartier dimanche. GP c'est les rats, on frappe le mic avec art. Reste pas le cartel, passera un mauvais quart. Pas d'issue, les gaffes sont sur tes côtes comme la pâtisserie. C'est illicite, tu trouves ça à moins de pâtisserie. On met la fièvre, 1-6-0 c'est mon fief. Car que des hommes fiers, un art ok des orfèvres. Pas d'intello, mais noir et blanc se mélangent comme à l'Othello. Les putons les fument dans l'escalier ou au télo. C'est Slar, pédo, héroïne. On prend l'otage, les Boeing. Un blanc, un arabe et trois négroïdes. Écoute le scénario, je vais infiter mes calices. Et les gamines, juge pas mon pote à la largeur de ses narines. Pour que je me sente heureux, il me faut plus que 100 euros. J'ai le paro d'un taureau, rageux comme Nicky Santoro. Si la bigrafe paye plus, ça passera au braco. Un bête de fiasco dans le check, y'a trop Tony Brasco. Sale pitch, ça vient de l'Opitch. Oh, vite, et tu te feras enculer comme Tobias Beecher. Appelle-moi Kizer, Bizer Trick Hunter. Si je suis d'un flic, appelle-moi Saïd dans la N2. Ok, B-U-C-K-S, O-C-B, ouais c'est bon ça. J'suis trop mécra, mécra, j'passe pas inaperçu. J'viens prendre le déçu, bande de salopes, vous allez tous me cesser. Déçu par le mental des fois MC qui disent que le rap est mort, mort. Maintenant on le ressuscite, pendant que des pétasses font la promo. On tape dur, mec de thèse, mec de thèse. J'aime pas que les murs nous battent là, mais on a aussi le visé là. La messe à bâtard, toujours en tichetard, tichetard. Tu réalises, mais le terrain est miné au Jekar. Prends les armes, là pour m'en sortir. Il me faut plus que l'or, mais pour l'instant c'est mort. Je passe mon temps dehors, le cul collé sur un pont. En compagnie d'un poteau de galère, frère. Poteau de galère, SPY, mec, ça vient de long jument. Le piton le baisse comme des longues jambes de jument. J'ai remarqué que les gens t'envient, même quand t'as rien. J'ai même connu des proches qui m'ont dit d'avancer en arrière. Par rapport à nous mecs, t'es comme une pute en serviette. Rien qu'on met des high kicks à croire qu'on est des fiettes. Dans le rap, je suis comme dans un grec en train de ramasser les miettes. T'es ma, comment c'est dur s'en sortir quand t'as ta main. T'aimes pas notre son, c'est que t'es un mytho. On en vit, pourtant je suis tout maigre, je suis pas un mutant. On est des stars mais les gens veulent nous voir intermittents. Les vrais diront Spike au mic, mec c'est interminable. Considère nous comme un terreau qui s'écrase sur le terminal. Spike parle mal sur le Coran, il te met un middle. Starfall là mais toi t'étais pas là quand je volais à Lidl. Spike c'est le moitié Kabil qui vit pas à Kaboul. Et le mec qui le matin vomit la bile. J'en place une à mes Algériens innocents, mais m'aide et Nabil. Inch'Allah plus tard l'argent, faudra que tu rabouges au bide. C'est ma salive et pas ma fierté que je ramasse. Demande à mon pote son équipe, en soirée les meufs en raffolent. Demande à qui sert, nous c'est la rime en rafale. Ça vient de Long Beach, Long Jumeau 91 criminel. Ah, Campama Franco, l'organisation est criminelle, motherfucker. Motherfucker, une putain de matraque dans le cul des feux que. On t'a vu en boîte au Buffalo, tu peux pas nous phaser. JPO.